Yeah man, je viens te dire pourquoi je reste toujours positif. Dans mon sound system, life and creation sound system. Pourquoi je prie Jah? Écoute ça, love. Je prie Jah pour l'amour et l'unité. Et je dois me battre pour plus d'égalité. Qu'on passe les bonnes vibes dans les sound systems, hey. You know. Moi-même je dois me battre pour ma liberté et les vibes dans ce système, hey. Je me suis tourné vers la terre où nos anciens vivaient à 8 ans. Et c'est le reggae où j'ai atterri et qui m'a accueilli, hey. Faut pas se poser de questions, le reggae est un son de guerrier, hey. On doit faire face tous les jours aux mauvais esprits qui veulent nous embrouiller. C'est grâce à l'amour de la vie et d'un travail organisé, hey, qu'on a réalisé un nouveau pas pour tous les quartiers. Alors je prie Jah pour l'amour et l'unité, et je dois me battre pour plus d'égalité. Je dois me battre pour plus d'égalité, you know, pour tous les pays. Mon crew roule pour les sufferers et tous les opprimés. Life and Christian sound. Toutes les nations, toutes les couleurs et toutes les communautés. One M, one destiny. Notre message est pur et simple. We man, c'est l'unité. Unity. Unity. Et c'est le reggae qui nous a choisis pour le passé. Alors beaucoup de badman verront l'heure d'un grincé, yeah. Beaucoup de sunboys dans la place seront démasqués. Mais on a choisi le bon combat et on se doit de le terminer. J'ai écrit cette chanson spécialement pour vous le raconter. Alors je prie Jah pour l'amour et l'unité. Me battre pour plus d'égalité. Life and creation play tonight. Life and creation play tonight. Life and creation joue pour vous ce soir. Life and creation play tonight. Life and creation play tonight.